À peine, un rappel pour les gens qui ont tout oublié. Je me rappelle tous ces moments quand je n'étais alors qu'un enfant. Et mon ami, la mort l'a pris. Est-ce vraiment fini? J'ai tant souffert, j'ai tant pleuré. Je sais que jamais je le reverrai. J'ai plus le moral, je sens mon cœur sale. Quand je me réveille, je ne le vois plus. Une journée sans toi, je me sens perdu. Je rends hommage aux disparus. Mon cœur est triste quand je pense à eux, ceux qui prennent la vie comme un jeu. Ne perds pas ton temps, ouvre grand les yeux, méfie-toi, le temps est précieux. Mon cœur est triste quand je pense à eux, ceux qui prennent la vie comme un jeu. Ne perds pas ton temps, ouvre grand les yeux, méfie-toi, le temps est précieux. J'ose pas rentrer, j'ai tellement peur. Il est allongé sans dire un mot. Mon cœur tremblait, je méditais. Je me sens faible, je regrettais toutes ces années que j'ai négligées. La mort me fait peur, mon Seigneur. C'est ça la vie, vivre pour mourir. Quel est le chemin que je dois prendre? J'aimerais comprendre mon existence sur cette terre où nous vivons. Mon cœur est triste quand je pense à eux, ceux qui prennent la vie comme un jeu. Ne perds pas ton temps, ouvre grand les yeux, méfie-toi, le temps est précieux. Mon cœur est triste quand je pense à eux, ceux qui prennent la vie comme un jeu. Ne perds pas ton temps, ouvre grand les yeux, méfie-toi, le temps est précieux.